Seul, j'ai pas raison, viens faire un tour dans ce monde où les pères de famille sont ivres, où plus personne t'écoute comme la pétasse qui lit son livre. Ma façon de voir les choses préfère les baffes aux compliments. Le sucre n'a aucune valeur quand c'est le sel qui manque. Pourtant la zik me hante, et bah les couilles si ça plaît pas. Quoi qu'il arrive on se dépasse, quoi qu'il se passe on se dépasse. Dealer dindin, depuis petit peu je fais que penser. Y'a peu d'amour dans le message mais y'a mes arts pour t'ambiancer. Jette un oeil je te fais rimer, soucis et somnifères. J'ai vu des femmes vous enculer, j'ai même vu des hommes s'y faire. Putain, ça fout les boules et tout le monde se renvoie la balle. L'arbitre n'est pas cool, mate mon poteau à la barre. Ne parle pas de potent, 59ème sur le botin. J'fous mon boucan, j'fous le camp, j'ai pas mon blast dans des bouquins. J'combats les mal, parle mal, j'pédave la mêle, barre la mêle. Sans moi ça parle mal, j'côtoie la merde et bois la mer. J'ai perdu le goût de la vie, bouffer des pâtes, j'connais trop ça. J'ai confiance en personne, j'ai renvoyé dans le métro Sam. Laisse-moi piloter ma vie, touche pas à mes CD rayés. C'est mon vécu qui fait que ça pète et que ça sonne sous l'oreillette. Oh moi j'aime pas tes bestes là qui se déhanchent sur la piste. J'aime trop zoner les bitumes, t'es peut-être bien assis sur ma piste. J'use mes semelles toute la semaine, j'connais la galère comme ma poche. T'inquiète, on garde la pêche et tu peux dire à ton abache. J'ai pas volé sa roue parce que cette pute elle tendra pas. Bah non, la chanson qu'on est pas, on veut seulement s'évader, c'est pas la chanson qu'on épargne. La route est longue mais je lâcherai rien, quitte à m'empêter le fémur. Le bonheur est éphémère, j'ai vite compris c'est pas durable. Je regrette pas ces effets de merde, sans mes galères j'ferai pas du rap. Seul au monde comme Tom Hanks, mon rap c'est Wilson. J'parle qu'à ma feuille blanche, les proches m'ont mis le seum. Donc je m'isole et je mise sur ma propre ganache. Moi c'est HH, le son qui sort d'une boîte garage. J'ai pas de calage, pas de billets, je vais pas te parler de sexe. Pourtant je me fous à poil sur l'instru, je m'en bats les steaks. La larme à l'œil quand je pense à la Palestine. Rien à battre Collant des Julie Gaïeskid. Old school comme Alex Kidd, j'vis à fond mes aventures. Et j'suis perdant à chaque fois que j'fais l'inventaire. J'suis pas à mon avantage et jamais j'me vanterai. J'suis pas là pour me vendre, mon rap vient de s'éventrer. Dans le creux de la vague, hanté par mes déceptions. Les murs en wifi, nous wifi, mes mauvaises réceptions. Dur d'avancer avec un point de côté. Le rap c'est comme à Teco gros, toujours boycotté.